Section 21 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. La lecture, tome 6e. Section 21. Les amours de Gilles. Livre 1er. Colombine par Louis Morin. Chapitre 4. Qui se passe presque tout entier sur la scène. Pardon, monsieur, le seigneur Pantalon? Vous êtes chez lui, monsieur, ou plutôt chez sa fille. Chez la signora Isabelle, pourrais-je voir le seigneur Pantalon? Je ne sais pas, monsieur. Comment? Permettez, monsieur, j'arrive à la maison du seigneur Pantalon. Je trouve les portes ouvertes, je frappe. J'appelle, personne ne répond. J'entre, et j'arrive dans cette pièce où je vous trouve. Vous êtes sans doute un parent ou un ami du seigneur Pantalon. Je vous prie bien humblement de me dire si je puis le rencontrer. Et, monsieur, je n'en sais rien. Je ne suis ni parent ni ami de monsieur Pantalon. Vous l'attendez sans doute ici. Permettez que j'attende avec vous. Monsieur, je n'attends point monsieur Pantalon. J'attends sa fille, et je vous prie de me laisser seule. Pardon, monsieur, pardon. Votre langage m'étonne extrêmement. Je dois me faire connaître. Je suis le docteur Boloardo Grazian, et je viens de Bologne pour épouser la fille de mon ami Pantalon. Maintenant, je vous prie de me faire savoir comment il se fait que vous soyez ici, dans la chambre de ma fiancée. Comment, monsieur, vous seriez? Ah, ah, voici qui est plaisant. Qu'y a-t-il de plaisant, monsieur? Oh, rien, rien du tout. Souffrez, cher monsieur, que je vous serre les mains et que je vous félicite. Soyez heureux. Ah, ah, je vous cède la place. Il vaudrait mieux pour vous que ce fût vous qui partissiez. Monsieur, c'est moi qui vous prie de rester maintenant et de me donner tout à l'heure l'explication. Il ne me plaît point de vous en donner. Au revoir. Monsieur, monsieur, tenez. Vous me paraissez honnête homme et peu au courant des choses de Venise. Je me sens porté à vous être utile. Suivez mon conseil sans rien me demander et allez-vous-en. M'en aller? Où cela? À Bologne. À Bologne? Mais je vous dis que j'en viens pour épouser la fille de mon ami Pantalon. Et c'est cela que vous ne devez point faire. Comment? Pourquoi cela? Parce que, cher monsieur, comprenez-moi à demi-mot. Mais je ne vous entends pas du tout. Y a-t-il quelque chose à dire contre cette jeune personne? Mais j'y songe. Que faites-vous ici dans la chambre de mademoiselle Isabelle, vous qui n'êtes ni l'ami, ni le parent du seigneur Pantalon? Oubliez ce que je vous ai dit et partez. Vous me remercierez plus tard. Plus de doute, monsieur. Vous êtes son amant. Ah, monsieur, vous me forcez à le dire. Et vraiment, je ne regrette pas que la conversation vous ait amené sur le terrain de ces difficiles confidences. Je suis galant homme avant tout, monsieur, et je souffre de voir qu'un homme tel que vous, pour lequel on se sent du premier moment pénétré d'estime et de respect, devienne la dupe de personnes telles que ce Pantalon et cette Isabelle. Monsieur, vous me confondez, et je suis bien votre serviteur. De grâce, continuez. Se peut-il que mademoiselle Isabelle ait perdu la retenue de son sexe et que Pantalon, mon plus ancien ami, ne m'ait offert sa fille que pour sortir d'une position fâcheuse? Ah, docteur, comme vous devinez toutes choses, rien n'est plus vrai, malheureusement, et vous serez le père de mon enfant si vous n'y prenez garde. Comment la chose est-elle arrivée, mon Dieu? Je n'en sais trop rien. L'amour est si facile à Venise. Ne me cachez rien, de grâce. Il y a le matin, monsieur, sur la place Saint-Marc, de petites filles qui se promènent avec leur gouvernante en attendant l'office. Quelquefois, les gouvernantes ont égaré leurs lunettes et pendant qu'elles les cherchent dans leurs poches, les yeux des petites filles se lèvent plus souvent jusqu'à remarquer qu'un jeune cavalier les suit pas à pas. Mais la cloche de Saint-Marc tinte doucement. Une petite fille entre, suivie de sa gouvernante. L'église est sombre, au sortir de la place ensoleillée, et le resplendissement des grandes voûtes de mosaïque d'or aveugle tout à fait la vieille femme. La main de la petite fille s'avance vers le bénitier, et voici qu'elle rencontre une autre main tendue qui lui présente l'eau bénite. Ce n'est qu'un frôlement d'une seconde, mais la petite fille a le cœur si sensible qu'il bat déjà plus fort, pour si peu. Il y a dans un coin de l'église une madone pour laquelle la gouvernante a une dévotion particulière. Elle s'agenouille sur la pierre et dans son recueillement se cache la figure dans son livre entrouvert. Alors, la petite fille voit bien que la main si complaisamment tendue était celle du cavalier de la place Saint-Marc. Le voilà qui passe derrière les colonnes de porphyre, l'air doux et recueilli. Il s'arrête, il fait face à l'autel et un peu aussi à la silhouette claire qui se détache sur le dallage sombre. Il est joli et élégant, il semble honnête et discret. La gouvernante se relève, va se placer au milieu de l'église, sur le banc que surmonte un crucifix, et s'affaisse en de nouvelles dévotions. Le cavalier est tout près, pareil à un petit saint en contemplation. La jeune fille est si troublée qu'elle ne suit guère l'office. C'est alors que les yeux se rencontrent et se comprennent. À la porte de l'église, la même main présente l'eau bénite, et en même temps, la petite fille sent qu'on lui glisse un billet dans les doigts. Sur la place, la gouvernante a remis ses lunettes, et sa compagne ne lève plus les yeux. Toutes deux vont à la piazzetta et montent dans leur gondole. Le cavalier monte dans la sienne, et voilà les gondoles qui s'en vont, l'une suivant l'autre, par les grands et les petits canaux, jusqu'à ce que la première accoste un escalier de pierre. La seconde passe discrètement et continue sa promenade. Voilà la première journée, cher docteur. Et puis, cela va tout seul, jusqu'où nous en sommes. L'amour s'active et travaille dans les mystères endormis de la petite lagune. Le matin, les paniers qui descendent tout le long de la muraille remontent des billets cachés dans les petits pains du boulanger. Pendant le jour, la gondole qui passe toute noire, toute fermée, donne un imperceptible signal à une ombre qui transparaît à peine derrière les jalousies. La nuit, la péote qui porte par la ville un concert ambulant s'arrête un instant et une voix s'élève dans le silence. C'est un amoureux qui se plaint de souffrir et demande un rendez-vous. « Quelle est cette nouvelle chanson ?» dit le père de famille réveillé. Ce musicien Cornaro et ce libraire Pandolfi n'auraient-ils jamais fini de publier des sérénades ? Cela n'est bon qu'à troubler nos filles. Puis il se rendort, bercé par la ritournelle. Enfin, le cavalier a des intelligences dans la place assiégée. Une nuit, il entre comme un voleur, et les nuits suivantes, jusqu'à ce que le papa s'aperçoive qu'il est trop tard pour mieux veiller. Alors, si le séducteur s'appelle le comte de Casadoro, s'il appartient à une des plus hautes familles patriciennes, le papa, pourvu qu'il s'appelle simplement le Sieur Pantalon et qu'il ne soit que de la bonne bourgeoisie, réfléchit sagement qu'il a tout intérêt à se taire, puisque d'un côté, la seigneurie étouffera soigneusement l'affaire et que de l'autre, la noble maison de Casadoro le fera poignarder par ses bravis plutôt que de permettre à l'un de ses membres de se mésallier. Enfin, il pense à son ami de Bologne ou d'ailleurs et songe sérieusement à lui offrir sa fille. Voilà où nous en sommes, cher docteur. J'en suis désolée pour la fille de Pantalon qui m'a vraiment inspiré un petit sentiment. Mais est-ce une raison pour que je permette que vous soyez si indignement trompé? Quelque petit marchand que je lui trouverai fera bien mieux l'affaire de la demoiselle. Ah, monsieur le comte, que de reconnaissance! Je vais sur-le-champ repartir pour Bologne, où mes chères études... Vous ne ferez point cela, monsieur, puisque j'ai eu l'honneur de vous rendre un service que vous voulez bien considérer comme de quelque importance. Vous permettrez que pendant un peu de temps je jouisse de votre société. Je vais vous faire les honneurs de Venise. Il ne faut pas que vous retourniez à Bologne avec une si mauvaise impression touchant les citoyens de la République. Nous sommes en carnaval. Passez quelque temps à vous divertir avec nous. Vos mérites doivent vous attirer des bonnes fortunes sans nombre. Ne seriez-vous point aise que je vous présente à de fort jolies dames qui vous seront aussi faciles que pourrait l'être Mademoiselle Isabelle et qui ne vous demanderont point de mariage. Ainsi causait dans la chambre de Mademoiselle Pantalon, Colombine, sous la figure du comte de Casadoro et Monsieur le docteur. Le rôle imposé au savant ingénu était de se laisser convaincre assez vite et de suivre les amis de Colombine, qui tout justement passaient sous les fenêtres en chantant. Mais Séraphine voulait un peu reparaître dans Colombine et elle méditait une petite scène dans la salle, une scène muette entre elles, le prince et Pietro. Elle s'approcha de la rampe et reprit en ces termes. « Je vous confie à mes bons amis, cher docteur, et je ne tarderai point à vous rejoindre. Mais souffrez que je demeure ici quelque temps. Il convient que je fasse mes adieux à Isabelle et que je lui remette son portrait et des lettres, en lui signifiant que notre amourette est finie, l'affaire de quelques instants. Puis, quand mon cœur a horreur du vide, je courrai faire remettre à celle qui depuis tantôt l'a rempli d'une flamme nouvelle, le billet que voici. » Séraphine tira de son sein la lettre de Pietro et la lut. Puis elle reprit, penchée sur les feux de la rampe et regardant fixement l'étudiant. « Qu'en pensez-vous, docteur? Cela n'est-il pas bien dit? La femme que j'aime a du cœur et de l'esprit. Elle me répondra que l'offre de mon cœur lui agrée et qu'elle est heureuse de m'avoir inspiré de l'amour. » La toile tomba pendant que les amis de Colombine, Arlequin et ses compères, montés dans la chambre sur un signe d'aile, entouraient le docteur de leur joyeuse mascarade et l'entraînaient avec de grotesques protestations d'amitié. Fin de la section 21, lue par Margot.